Je vais vous interpréter une petite chanson. Extraite de mon album qui s'intitule Le Beaujolais. La chanson de ce soir s'intitule Le Beaujolais. Attention, Le Beaujolais, chanson primeur. Oh. Le Beaujolais, chanson primeur. Il était petit, il était laid, et il livrait le Beaujolais dans les troquets du Bourbonnais. Sacré René, sacré René. Le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais.